soit parlé. C'est au sorti de l'église, chez Alphonse, voyons en sont allés. On voyait à tout venant, monsieur voyons avec sa bouteille. Il n'y avait rien dedans, il pensait de faire des merveilles. Il disait à tout venant, mais divertissez-vous mes gens. Ils sont assis à la table, ils se sont mis pour manger. Au début, il y en avait bien, mais de la viande, il y en avait guère. Il n'y avait rien que des os qui nous sabotent les mangeoires. Il n'y avait rien que des os qui bréchaient tout. À la légère, ils avaient pas déjeuné, encore bien moins de quoi boire. Ils avaient pas déjeuné, encore bien moins souper. Je vous remercie, mesdames, de votre si bon repas. Allons-en chacun chez nous, allons-nous chercher quoi boire. Allons-en chacun chez nous, chercher quoi manger.